Abus de biens sociaux. À la suite d'une enquête pour fraude fiscale dont une société et son dirigeant avaient fait l'objet, le dirigeant avait été condamné pour abus de biens sociaux. Celui-ci avait contesté cette condamnation en faisant valoir que la commission des infractions fiscales avait écarté dans son avis toute poursuite pour fraude fiscale et que les faits examinés par la commission ne pouvait pas donner lieu à de nouvelles poursuites pénales contre lui pour abus de biens. Cet argument a été écarté, car la preuve est libre en matière pénale. Le juge pénal n'était donc pas lié par la décision administrative de la commission, et il pouvait trouver, notamment dans les actes de l'enquête fiscale, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux.